Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Studs Terkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Épisode 7. Vivre en dépression, lutter. Mais tout le monde doit avoir quelque chose en quoi il croit vraiment. Certains vont à l'église. S'il y a quelque chose en quoi je crois vraiment, c'est le syndicat. If you wanted to go to the toilet, you had to get a substitute on the assembly line because otherwise they had to stop the assembly line. Or at least that's what they told you. Le vieux mode travaille jour et nuit, et le dimanche, et il sait pas quand il arrêtera. Suppose I say to you, the Great American Depression, what does that mean? Si j'étais trois personnes au lieu d'une, je serais toujours aussi occupé. 1969. Suis-je le seul à entendre aujourd'hui l'écho de la Grande Dépression? Ces hommes et ces femmes ne sont-ils que des monuments du passé? Les héros de ces jours anciens étaient pour la plupart, quand je les ai rencontrés, des vieillards. Certains sont morts depuis. Mais quelle est cette violence qui a traversé le pays? On pourrait aussi bien dire ravagé, ébranlé ou mis à terre. Difficile de trouver quelques mots simples, tant de bouleversement a été fort. Une avalanche de mots conviendrait mieux. J'accumule donc les témoignages micro en main. Peut-être les souvenirs de ces survivants d'une époque révolue pourront-ils être utiles à d'autres, ou simplement aux survivants eux-mêmes. Ce que j'espère, c'est que ça nous fera ouvrir les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Je passais au papier de verre les ailes droites. J'étais payé $5 par jour. Les pièces venaient de l'usine de River Rouge, à Détroit. Quand je suis venu travailler en janvier, on faisait 232 voitures par jour. Quand on m'a viré 4 mois plus tard, on en faisait 535. Sans personnel supplémentaire et sans augmentation de salaire. C'était la fameuse accélération Ford. Justin McCarthy a quitté la fac en 1933. Il a travaillé dans une usine d'assemblage Ford dans une banlieue industrielle près de Chicago. Les portes étaient fermées une fois qu'on était arrivé à 8 heures du matin. Elle n'était rouverte qu'à 5 heures du soir. Les gens amenaient leur déjeuner, aucune cantine n'était autorisée dans l'usine. Personne ne me l'avait dit. Alors j'ai pas mangé le premier jour. On était censé avoir nos propres gants. Personne ne me l'avait dit non plus. Vous imaginez mes mains à la fin de la journée? Je voyais qu'il y avait des types habillés en civil autour de l'usine et une surveillance constante. Je n'ai appris que plus tard que c'était des hommes du service d'ordre. Beaucoup étaient d'anciens détenus. Si vous vouliez aller aux toilettes, il fallait avoir la permission du contremaître. Il devait vous trouver un remplaçant dans la ligne d'assemblage. S'il ne pouvait pas, il fallait se retenir. Si on ne pointait pas à 8 heures, si vous arriviez à 8h02, on vous retenait une heure sur votre paye. Il n'acceptait aucune excuse. Et si vous faisiez ça deux ou trois fois, vous étiez viré. J'ai fait l'erreur de dire au contremaître que je m'étais inscrit au cours du soir de la Northwestern University. Il m'a dit « Monsieur Ford ne paie pas les gens pour qu'ils aillent à la fac, hein. Vous êtes viré. » Au conseil d'administration, les questions concernant les salariés étaient évoquées, mais jamais discutées. Il y avait un vice-président qui s'en occupait, un type très compétent. Il était en contact étroit avec les directeurs de General Motors. On se réunissait le premier lundi de chaque mois. Parfois, il venait nous parler de la situation. Nous nous contentions d'approuver. À 94 ans, Charles Stewart Mott, toujours vigoureux, est le membre le plus âgé du conseil d'administration de General Motors. Le vieux Mott travaille jour et nuit, et le dimanche. Et il ne sait pas quand il arrêtera. Si j'étais trois personnes au lieu d'une, je serais toujours aussi occupé. Je ne me suis jamais occupé de ce qui concernait les travailleurs. Même dans les sociétés dont je détiens des actions, je laisse ces questions à ceux qui sont mieux à même de les traiter. Je ne suis pas le genre de personne qui se fait du souci. Et certainement pas pour ce genre de choses. J'ai plus de plaisir avec la création d'entreprises qu'avec n'importe quoi d'autre. Ma famille est de l'île de Man. C'est entre l'Écosse et l'Irlande. Slim Collier. Le premier Collier est venu ici dans les fers, sur un vaisseau de guerre anglais, en 1641. On l'appelait le Nègre Blanc. Tous les Colliers retournaient sur l'île de Man pour se trouver une femme. Et mon père a brisé la tradition, il a épousé la fille d'un immigré. La fille d'un immigré allemand qui vivait dans le Dakota. Ma mère, c'était comme une grande sœur. C'était encore une morveuse, elle avait 14 ans de plus que moi. Il est barman. Il avait 11 ans quand il a eu l'eau courante pour la première fois. C'était en 36. Mon père, c'était un drôle de gars. Il était tout petit, 1m60. En plus d'être fermier, il était ajusteur-outilleur. Le genre de type qui se lève le matin, met une chemise blanche, une cravate, un costume, un menton en poil de chameau, des gants, monte dans sa Chrysler, dernier modèle, se rend en ville, se gare au parking, sort, enlève son costume, le met dans un casier et enfile sa salopette graisseuse pour faire son boulot d'outilleur. Il avait des prétentions. Et quand la dépression lui est tombée dessus, ça a été dur. C'est le genre de gars qui achète une maison à crédit, puis qui prend un deuxième emprunt pour en acheter une deuxième. La dépression lui a fauché toutes ses maisons. Et la colère et la frustration qu'il a ressentie, ça a marqué toute ma vie. C'était le genre d'homme, quand quelqu'un était ruiné, il était content, et maintenant c'est à lui que ça arrivait. Mon père, il a perdu son boulot d'ajusteur-outilleur à l'automne 31. Il travaillait à l'usine de tracteurs John Deere. J'avais 7 ans. Je venais à peine de commencer l'école. Et tout à coup, mon père, que je voyais rarement, s'est retrouvé en permanence à la maison. Ça a été un choc. C'est lui qui me corrigeait au lieu de ma mère. Ils ont beaucoup utilisé la vieille remise en bois à cette époque. Il y avait une famille qui s'était fait saisir. C'était le 1er mars qu'ils avaient été expulsés et tous leurs meubles ont été vendus. Même les photos de famille, ça partait pour 5-10 cents pièces. Beaucoup d'enfants avaient été amenés par leurs parents, un peu par fascination morbide, un peu par sympathie, un peu... Il se passait quelque chose, quoi. À cette époque, la télé n'existait pas, ni la radio dans certains endroits. Un événement, c'était un événement. C'était plutôt marrant pour nous, les gosses. On se retrouvait ensemble, il y avait plein de nouveaux gamins, des jeux. Et peu à peu, j'ai pris conscience progressivement de ce qui se passait. En surprenant ce que disaient les adultes entre eux. Ils exprimaient de l'inquiétude et en même temps du soulagement. C'était pas à eux que ça arrivait. C'était l'idée que ça aurait pu. Ils étaient fascinés par la catastrophe. Je me souviens de l'horreur et de la fascination. Ça dominait les conversations pendant des semaines. Ce qui ressortait, c'était ça. C'était ce désespoir impuissant, cette soumission. Il y avait de la colère, de la rébellion chez quelques-uns, mais en général, il y avait du calme dans ce désespoir. Et la soumission dominait. La formule « la prospérité est au coin de la rue », c'était un truc que nous, les enfants, on répétait, mais on avait une idée assez vague de ce que prospérité voulait dire. Est-ce qu'on parlait de s'organiser ? Pas dans l'Iowa, pas là où on était, en plein centre. Non, les gens étaient trop conservateurs. C'est qu'après 40 ans que je me suis syndiqué. Avant, j'étais conditionné. Rejoindre un syndicat, c'était se priver de sa capacité à être indépendant. Ça signifiait qu'on se soumettait. J'ai sans doute bien plus hérité de l'arrogance de mon père que je le pensais. J'étais trop arrogant pour me mettre dans un syndicat. Je préférais travailler en étant moins bien payé si ça voulait dire que je pouvais être moi-même. Être syndiqué, ça avait quelque chose de honteux. Il y avait un gars dans notre quartier. Sa femme, elle était prostituée à mi-temps, c'était connu. Il fumait des cigarettes toutes faites, pas du genre de celles qu'on se roulait. Et ben le type, il n'était pas respecté. De la même façon, être syndiqué, c'était pas tout à fait respectable. Mais tout le monde doit avoir quelque chose en quoi il croit vraiment. Certains vont à l'église. Et s'il y a quelque chose en quoi je crois vraiment, c'est le syndicat. Bob Stinton se rend régulièrement au siège régional du syndicat des travailleurs de l'automobile à Flint, Michigan. C'est un petit homme sec. Il porte des lunettes et un costume avec un t-shirt. Oui, j'ai pris ma retraite en 1962. Après 45 ans et 8 mois de service. Jusqu'en 1933, il n'y avait pas de syndicat, pas de règles. On était à la merci du contremaître. Des fois, j'arrivais au boulot à 7 heures du matin. Et à 7h15, le patron passait et disait « Tu peux revenir à 3h. » Mais s'il préférait quelqu'un d'autre, c'est lui qui était rappelé plus tôt. Même si tu étais là depuis plus longtemps. Et combien de fois j'ai quitté l'usine avec la haine au cœur. Si j'avais été grand et fort, je crois que je me serais battu avec le premier type venu. Non. Mais c'était dégoûtant. Dégradant. Quand on était dans la rue, on pouvait avoir l'impression d'être un homme, mais dès qu'on avait passé la porte et qu'on avait pointé, on n'était moins qu'une machine. « Fais ci, fais ça, va ici, va là. » Et on le faisait. On a lancé une grève à Détroit. Et on a perdu. On s'est retrouvé à genoux. Ouais, bah c'est comme ça qu'on apprend. J'ai été licencié à l'automne 1931. Je ne sais pas si j'étais sur liste noire, mais on m'a dit qu'il n'y aurait plus de travail pour moi. Alors je suis allé à Flint et là-bas, bah on m'a pris comme ça. Et la peur était là. On se taisait quand on se trouvait au milieu des gens qu'on ne connaissait pas. Dès qu'on mettait un badge du syndicat, on nous demandait de partir. On était viré si vite que ça faisait tourner la tête. On se réunissait dans un vieil immeuble délabré. Ouais, non, c'est sûr, il y avait des indiques. Un jour, quelqu'un est monté sur l'estrade et puis il a dit « Je sais que ce gars-là est un indique parce que je lui ai donné une information. » Puis elle était allée tout droit au contre-maître. Ouais, le gars était piégé. Personne ne l'a touché. Il est juste parti. I was in Detroit. I worked the day shift. We got out at 3:30. And it was Christmas Eve, so I had a couple of small nieces and nephews in Detroit, so I picked up some presents and went down there to play Santa Claus. When I came back after Christmas, l'occupation à Flint a eu lieu la veille de Noël 36. J'étais à Détroit, je faisais le Père Noël pour mes petits-neveux et nièces. Quand je suis revenu, la deuxième équipe avait arrêté le travail. Il a fallu 5 minutes pour arrêter la chaîne. Le contremaître, il en est resté bouche bée. Les gars, ils ont fermé les interrupteurs et demandé aux femmes qui étaient à la coupe de rentrer à la maison. Ils ont informé les superviseurs qu'ils pouvaient rester, s'ils quittaient pas leur bureau. Ils ont dit à la police de l'usine qu'ils pouvaient faire leur travail tant qu'ils n'interféraient pas avec les ouvriers. Il y avait des patrouilles dans l'usine pour vérifier que personne ne faisait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Hein, si par exemple quelqu'un ne faisait pas assez attention au bien de la compagnie. Si par exemple il s'asseyait sur un siège d'automobile, sans le protéger avant, hein, ben il était rappelé à l'ordre. Parce qu'il n'est pas question de peindre des slogans sur les murs. Hein. On utilisait des ressorts nus comme lit. Parce que si on dormait sur un siège terminé, il serait plus neuf. Le gouverneur Murphy déclara qu'il priait Dieu de ne pas avoir besoin d'utiliser la garde nationale contre les gens. Mais s'il y avait des dégâts, il le ferait. On ne pouvait pas ne pas être d'accord avec lui. Et d'ailleurs, on l'a invité à l'usine pour qu'il voie comment on en prenait bien soin. Je connaissais Frank Murphy. Je n'aime pas dire du mal d'un mort, mais il manquait cruellement de pas mal de trucs. Frank a été maire de Détroit au début des années 30. Il a été gouverneur pendant les occupations d'usines. Il n'a pas fait son boulot. Il n'a pas fait appliquer la loi. Il s'est pas mouillé. Il n'a pas protégé nos biens. Quels sont vos souvenirs de Franklin Roosevelt? Quelqu'un m'a dit, tu vois ce visage sur les nouvelles pièces? C'est notre nouveau destructeur. C'était une image de Roosevelt, le grand destructeur. Il a été à l'origine de notre déclin. Bon Dieu, le mal qu'il a pu faire à ce pays. Je crois pas que nous en mettrons. Terrible. Vous vous rappelez avoir vu des chômeurs faire la queue? Il me semble me souvenir que ça existait. And people were very depressed. There was a lot of suicides that I know of. From nothing else, but just they couldn't see any hope for that. Ben, même s'il y avait une discipline stricte, si quelqu'un avait envie de faire le mur, on pouvait rien faire. Il pouvait partir le temps qu'il voulait. Il y en avait toujours un pour partir une journée entière rendre visite à sa bourgeoise. Et quand il revenait, si personne ne l'avait fouillé, ben, il offrait une tournée. Quand on a commencé, ça n'était pas bien gai parce que les gars avaient peur de s'être foutus dedans. Ils pensaient qu'il n'y avait rien à y gagner sinon de perdre leur emploi. Mais plus le temps passait, et plus elles réalisaient qu'ils pouvaient gagner, parce qu'il y avait de plus en plus de gars dehors qui venaient nous soutenir. Chez Chevrolet Fort, il y a eu de la bagarre, et ils ont sorti les gars de force. C'est ce qu'on a appelé la bataille de Bull Run. Les gars ont pris le contrôle, et la police de la ville et les hommes du shérif ont décidé qu'ils allaient les mettre dehors. Entre les gaz lacrymogènes de la police et les boulons qu'utilisent les grévistes, ça a été l'enfer. On les a repoussés. Quand les gaz lacrymogènes ont pénétré dans l'usine, la brigade des femmes a cassé toutes les fenêtres pour laisser rentrer l'air. Ah, c'était méchant. Hans Larsson a été tué lors de cette bataille. Et des personnalités nationales ont contribué au financement de notre grève. Madame Roosevelt, par exemple. Des fois, on avait peur parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs. Il y avait un shérif, il est venu une nuit à Fisher One et a lu aux gars la loi sur les émeutes. Il leur a dit qu'il fallait partir. Il est resté là, les regarder. Des gars ont commencé à l'injurier et il est parti. Les troupes de la garde nationale étaient là. Certaines de Pontiac, d'autres de Détroit. Je vivais à un pâté de maison de leur campement. Je passais à côté d'eux tous les jours. Un gars assez jeune avait un badge du syndicat sur lui. Est-ce que c'était le sien ou celui de son père? Et je suis allé le voir. Et ton chef t'autorise à porter ce badge? Il a dit, je sais pas, mais je vais bientôt le savoir. Ils avaient 20 ans. Des gamins bien élevés. Il n'y a pas eu de brutalité. Les gars sont restés dans l'usine 44 jours. 44 jours. Ils n'avaient aucun droit d'occuper les usines. C'était illégal. Les propriétaires avaient le droit de demander au gouverneur de les mettre dehors. Ça n'a pas été fait. C'est pareil aujourd'hui. La population locale autorise tout ce désordre. Elle laisse faire les voyous. C'est scandaleux. Quand il y a des gens qui entrent par effraction dans une entreprise, que vous avez la garde nationale et la police avec des armes chargées et qu'on ne les arrête pas, c'est terrible. Ils auraient dû leur dire « Arrêtez ça, sortez de là ou on tire ». Et s'ils n'avaient pas obéi, il aurait fallu leur tirer dessus. Ils en auraient tué un certain nombre, mais moins qu'il n'y en a eu de tués par la suite. C'est la réplique exacte de ce qui s'est passé dans les années 30, avec les occupations d'usines. There is many things happening in this land. There is many things happening in this land. But the union's going on, and the union's growing strong. There is many things happening in this land. Le gouverneur Murphy. On the 18th day of May. Ça me fait quelque chose de parler lui. Il essayait de concilier les deux parties. But planners and their bosses, though the people are their shack, there is many things happening in this land. Je pense qu'il a dû y perdre pas mal de nuits de sommeil. On arrivait à un accord provisoire et chaque fois, le siège de la General Motors à Détroit se débrouillait pour le faire capoter. Alors chaque matin, Murphy se retrouvait avec le même problème. There is mean things happening in this land, but the union's going on, and the John Lewis, le créateur du Congress of Industrial Organization, il aurait pu jouer du Shakespeare. Il pouvait damer le pion à n'importe lequel de ses adversaires. Sa maîtrise du langage était bien supérieure. Il a fait un discours pour dire que s'il faisait sortir les gars de l'usine à coups de fusil, il faudrait qu'il commence par lui. Quand on a demandé au gouverneur Murphy de recourir à la garde nationale pour chasser les occupants, Lewis a déclaré j'entrerai en personne dans l'usine Chevrolet No. 4 de General Motors. Je demanderai aux hommes de mépriser vos ordres, de tenir bon. J'irai alors me poster à la plus grande fenêtre de l'usine, je l'ouvrirai largement et je dépouillerai mon torse. Et alors, quand vous ordonnerez à vos hommes de tirer, ma poitrine sera la première que frapperont vos balles. Et quand mon corps chutera de la fenêtre, la voix de mon grand-père résonnera. « Franck, es-tu sûr de faire ce qui est juste ?» Finalement, on a appris la nouvelle, l'affaire était réglée. Mon Dieu ! Il a fallu envoyer 3 gars, l'un après l'autre, dans les usines parce que les grévistes ne voulaient pas y croire. Et finalement, quand ils ont compris, ils sont sortis en brandissant leur drapeau, puis tout ça, et... Il y avait des gars qui avaient des barbes aussi longues que celles du Père Noël. Ils avaient fait le vœu de ne pas se raser tant que durerait la grève. C'était comme... vous vous souvenez du délire après l'armistice, n'est-ce pas? Bon, tout le monde courait, on se serrait tous la main en disant mais c'est quoi cette tête là? Tu portes la barbe maintenant? Les femmes embrassaient leurs maris. Il y en a eu beaucoup qui ont roulé par terre ce soir-là. Quand M. Netzen a signé son nom sur ce bout de papier et a déclaré que General Motors reconnaissait le syndicat, jusque-là, nous n'existions pas. On n'était même pas des personnes. Mais là, un grand moment. Oui, un grand moment. Grand moment. On pourrait assimiler mon enquête à une violation flagrante de l'intimité d'autrui, mais l'expérience me prouve que ceux qui ont des griefs refoulés et des rêves inavoués ne demandent qu'à s'exprimer. Je vis dans la dépression depuis que je suis venu au monde. Avec des mieux et des moins bien. 1931, 1932, c'est ce que j'ai connu de pire. Prochain épisode avec Buddy Blankenship, un ancien mineur de Virginie-Occidentale qui vit maintenant à Chicago. Et avec Tom Yoder et sa mère Jane, dont le père était forgeron dans une petite ville du centre de l'Illinois. J'ai connu de ces froids. J'avais jamais eu de bottes. Je crois que c'est quand je me suis mariée que j'ai eu ma première paire de bottes. Quand il pleuvait, il fallait qu'on court, on courait entre les gouttes. Avoir des bottes, c'était vraiment le grand luxe. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Studs Terkel. Adaptation Mebo Ada et Benoît Giros. 7e épisode, avec Jackie Berroyer, Studs Terkel, Roger Dumas, Charles Stuart Mott, Bernard-Pierre Donadieu, Bob Stinton, Dominique Guillard, Justin McCarthy, Benoît Giros, Slim Collier. Et les voix de Jean-Pierre Becker, Fabienne Lucchetti et Chloé Baker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Déréthé, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Cateau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.